بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. بحول الله عز وجل وتوفيقه on continue inshallah dans l'explication du texte Al-Usul al-Thalatha. Nous avions donc terminé lors du dernier cours le deuxième point de l'introduction qui était en lien avec le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit dans son adoration, que ce soit un ange rapproché ou bien un prophète envoyé. Puis le cheikh rahmatullah alayhi avait apporté le dalil qui est wa anna al-masajid lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et les mosquées ou bien les membres de prosternation appartiennent exclusivement à Allah, n'invoquez donc avec Allah, n'invoquez personne avec Allah subhanahu wa ta'ala. Le shir dit ensuite, al-thalitha, la troisième. Donc aujourd'hui, inshallah, nous allons traiter le troisième point de l'introduction de ce texte. Annahu man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu muwalat man hadda Allah wa rasulahu wa law kana aqrab qarib. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Donc le cheikh dit rahmatullah alayh, donc le troisième point, la troisième notion qui est obligatoire pour tout musulman et musulmane à apprendre et à pratiquer, que celui qui obéit au messager, alayhi salatu wassalam, wa wahhad Allah, et a unicisé Allah subhanahu wa ta'ala. Donc a concrétisé le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans ses trois parties, al-rububiyah, la seigneurie, al-uluhiyah, la divinité, wal-asma'i wa-sifat, ainsi que ses noms et ses attributs, la yajuzu lahu, il ne lui est pas permis. لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. Il ne lui est pas permis موالاة, l'alliance, من حاد الله ورسوله, de ceux donc qui sont à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son messager. ولو كان أقرب قريب, même si c'est le plus proche donc de sa famille. والدليل قوله تعالى, et la preuve est dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset que j'ai cité auparavant, nous l'expliquerons ensuite, Inch'Allah. Donc ici, le cheikh va traiter une forme de relation au mécréant. Une forme de relation au mécréant. Donc on introduit en disant que ce point-là, il est en lien avec Al-Wala Wal-Bara, avec l'alliance et le désaveu, qui est un des grands fondements de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'alliance, nous sous-entendons par là l'alliance aux croyants, aux partisans d'Allah subhanahu wa ta'ala, aux gens qui ont concrétisé l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le désaveu de la mécréance et des mécréants, des gens qui vont à l'encontre d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Mohamed ibn Abd al-Wahhab, rahmatullahi alayh, parle donc de ces deux fondements-là dans certaines de ses paroles, et notamment dans une de ses paroles lorsqu'il dit que asl al-din al-islam, que le fondement de l'islam, wa qa'idatuhu, est donc sa base fondamentale amran. Ce sont deux choses. Al-awwal, al-amru bi'ibadatillahi wahda, la sharika la. Donc le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associé. Ça c'est la première chose, c'est le premier fondement absolu de notre dîn, mes chers frères, Et quand on dit de notre dîne, c'est le dîne, l'islam dans le sens spécifique que nous avions vu, donc l'islam apporté par le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. L'islam depuis l'envoi du prophète alayhi salatu wassalam, mais aussi l'islam dans son sens âm, général. Donc de Adam alayhi salam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Qui est donc millatu Ibrahim, dînu l'anbiya. Donc il dit Al-amru bi'ibadati Allahi wahdahu la sharika lah. Le fait d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, sans associer. وَالتَّحْرِيدُ عَلَى ذَلِكَ. Et donc, التَّحْرِيدُ, qui est donc le fait de motiver à cela, de prêcher à cela, d'inciter à cela, وَالْمُوَالَاتُ فِيهِ, et de s'allier à cela, de s'allier au tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, de s'allier aux gens du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui unissent Allah azza wa jal, seul, sans associer. وتكفير من تركه est taxé de mécréant, statué de la mécréance de ceux qui délaissent le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dans ces points que cite le cheikh, certains points donc sont des bases fondamentales de notre dîn, d'autres en sont des implications. Donc certaines ont lieu dans le cœur et sont une implication qui ensuite va apparaître sur la langue et sur le corps. Al-amru bi'ibadati Allah wahdahu la sharika lah. Donc ça, il n'y a pas d'excuse possible à ce niveau-là. Une personne qui n'adore pas Allah subhanahu wa ta'ala, seul, sans associé, n'est pas musulman. C'est un mushrik, kafir. Wa tahridu ala dhalik, ça c'est une implication. Ça c'est une implication qui doit prendre, qui prend racine dans le cœur. Mais son apparence ensuite, sur la langue et le corps, est une implication et elle peut, suivant les cas, être présente ou non. وَالْمُوَالَاتُ فِيهِ est l'alliance, donc, en Allah subhanahu wa ta'ala. الْمُوَالَاتُ, ce terme-là, il vient de الْوَلَايَة, qui est الْمَحَبَّة وَالْنَصَر. الْوَلَايَة, qui est donc l'amour, et النَصَر, l'assistance. Et cette chose-là, c'est une obligation, ça, dans Asl al-Din. C'est une obligation pour pouvoir concrétiser l'islam. Et l'obligatoire là-dedans, sur lequel il ne peut pas y avoir donc d'excuses possibles et de dérogations, c'est sa présence dans le cœur. Sa présence dans le cœur. Et nous avons dit que Ahl al-Sunnah wal-Jama'a, contrairement à certains Murji'a, donc, il croit en l'interdépendance de l'intérieur et de l'extérieur. L'extérieur est une preuve de la présence des a'mal al-quloub. Wal-mu'alat min a'mal al-quloub. Puisque c'est l'amour. L'amour des gens du tawhid. Et leur assistance. Comme nous avons dit, al-wala'ya. Donc, c'est le hub wal-nasr. Donc, al-mu'alat des gens du parti d'Allah subhanahu wa ta'ala des mu'ahidin. Ça, c'est quelque chose qui doit prendre obligatoirement place dans le cœur. Celui qui n'aime pas les mouahidines ne peut pas être musulman. Celui qui déteste les gens de la Qibla ne peut pas être musulman. Donc l'amour, la base dans le cœur est une obligation. Puis, ensuite, son apparition sur la langue et le cœur, ici il peut l'y avoir par cause du ikrah par exemple, par la contrainte, il peut y avoir par la contrainte, dérogation et absence donc de cette déclaration de mouahidine sur la langue ou bien sur le corps. Mais l'ikrah, bien sûr, comme vous savez, n'intervient pas sur les a'mal quloub. Quelqu'un ne peut pas t'empêcher d'aimer les musulmans ou t'obliger à détester les gens de la Qibla, les musulmans. Donc l'ikrah n'intervient pas sur le cœur. Donc, où il n'y aura pas de dérogation possible, c'est a'mal al-qalb. Concernant le cœur et la langue, ça c'est un autre point, mais nous n'allons pas entrer dans cette étude-là. Wa takfiru man taraka. Et donc statuer de la mécréance de celui qui délaisse le tawhid. Statuer de la mécréance de celui qui délaisse le tawhid. Ça aussi c'est un point qui prend un peu de temps, mais d'une manière générale, donc le takfir, statuer de la mécréance des mécréants d'origine comme le type, la variété, la famille des chrétiens. Celui qui ne taxe pas de mécréants, donc cet ensemble n'est pas musulman. Car en réalité, il dément le Coran, les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah dit: "Laqad kafara alladhina qalu inna Allaha thalithu thalatha." ont certes mécru ceux qui ont dit que Allah est le troisième de trois. لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Ont certes mécru ceux qui ont dit que Allah est le Messie fils de Marie. Donc celui qui ne taxe pas de mécréants les chrétiens est comme eux les mécréants. Celui qui ne taxe pas al-Yahoud, les juifs, de mécréants, et comme eux, il est mécréant. Donc ça, c'est le takfir concernant les mécréants d'origine. De même pour les bouddhistes, de même pour ces ensembles d'idéologies et de religions qui vont à l'encontre donc de l'islam. Puis ensuite, le takfir du musulman à la base et le taxer de mécréant, ça c'est un autre point qui demande un détail. Il n'entre pas directement là-dedans. Il n'entre pas directement dans l'expression ici du shirk. Et ce takfir aussi, il a lieu donc dans le cœur à la base. C'est un mu'taqad ça. Le takfir, ça entre dans qawlul qalb. Donc c'est un mu'taqad que la personne a. Son apparition sur la langue, qu'il déclare par la langue le kufr de quelqu'un, ça c'est un autre point. C'est une implication de ce takfir qui prend naissance dans le cœur. Mais il peut aussi, par ikra ou autre, faire preuve de dérogation. Al-Thani, donc le deuxième fondement du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, an-nahyu ani shirk fi ibadatillah. L'interdiction donc de l'associationnisme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le shirk, que ce soit dans le mu'taqad, mais dans l'af'al aussi dans les actes. Donc celui qui fait du shirk akbar, qat'an, il n'est pas musulman. Ce n'est pas un musulman. Même avant iqamat al-hujja, même avant que la preuve ne lui soit établie, il n'est pas musulman, c'est un mushrik. Mais il sera éventuellement excusé si réellement la science ne lui est pas venue, ne lui est pas parvenue. Il aura le statut des gens de Ahl al-Fatra et son devenir dans l'au-delà, nous n'entrons pas là-dedans. Allah subhanahu wa ta'ala l'excusera s'il le veut, jalla fi'ula. Mais dans ce bas monde-là, nous nous comportons avec lui hein, en tant que mécréant. النهي عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك donc et l'avertissement sévère de donc tomber dans ce shirk là, la mise en garde donc du contre le shirk, wal mu'adat fi et l'animosité, l'adversité par rapport à ce shirk là. Donc ça c'est une qaïda aussi, cette mu'adat elle est dans le cœur. Et là de même il ne peut pas y avoir ikrah, donc contrainte te permettant de te séparer de ce amal qalbi, donc de cet acte du cœur. L'adversité et l'animosité de la mécréance et des mécréants, ça c'est une obligation dans le cœur. Puis ensuite son apparition sur la langue ou sur le corps, ça c'est une implication qui demande du détail. Mais à la base, donc dans le cœur, il ne peut pas y avoir d'excuse sur le fait que quelqu'un, parfois des gens disent « moi j'aime tout le monde, j'aime même les musulmans, j'aime les juifs, j'aime les chrétiens, j'aime tout le monde, je n'ai pas d'ennemis. » فعلاً إن كان الأمر كما يقول, si vraiment ce qu'il dit est réel, et c'est l'asl, qu'il ne ment pas, هذا الرجل ليس بمسلم, cette personne n'est pas musulmane. والتكفير من فعله, et le takfir taxé, donc de mécréant celui qui le fait. Celui qui le fait. Donc là c'est pareil, c'est le même détail. Le mécréant d'origine, il n'y a pas donc d'excuse possible là-dessus sur quelqu'un qui dit les chrétiens sont musulmans, mais ce ne sont pas des mécréants, les juifs ne sont pas des mécréants, les bouddhistes ne sont pas des mécréants, etc. Cette personne n'est pas musulmane. En revanche, le takfir de celui qui est à la base, donc s'identifie à l'islam, se prétend musulman, celui dont l'origine à la base est qu'il est musulman, ça c'est un autre takfir qu'on verra en détail plus tard. Ce n'est pas le moment. Donc, فَمُعَادَاتُ الْكَافِرِينَ وَالْبَرَاءَةُ مِنْهُمْ وَمِنْ كُفْرِهِمْ أَصْلٌ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ لَا يَصِحُ إِلَّا بِهِ. Donc, prendre comme ennemis les mécréants et se désavouer d'eux et de leur mécréance est une base parmi les bases du dîn d'Allah subhanahu wa ta'ala, sans lequel il n'est pas authentique. طيب. Je suis rentré dans ce point-là alors que ce n'était pas normalement le point dans lequel je devais entrer. J'ai dit, donc la mu'amala avec les mécréants, la mu'amala avec les mécréants. Ici, le Cheikh Mohamed Abdel Wahab, rahmatullah alayh, va traiter un point parmi les points de la mu'amala, de la relation avec les mécréants. La relation avec les mécréants, elle est de trois types. La première, c'est une mu'amala mukaffira. C'est une relation que si elle est faite par quelqu'un, cette personne-là, si elle est musulmane, sort de l'islam. C'est une relation qui sort de l'islam. La deuxième, mu'amala muharrama ghayru mukaffira. La deuxième, c'est une relation haram, interdite, donc qui entre dans le kaba'ir, mais qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. La troisième, c'est une mu'amala ja'iza. C'est une relation qui est permise. Une relation qui est permise. Et quand on dit qu'elle est permise, c'est par comparaison aux autres qui sont soit mukaffira, soit qu'elle sort de l'islam, ou bien qu'elle est muharrama, qu'elle est interdite. Mais cette ja'iza, elle peut être, celle-là qui est ja'iza, qui est permise, elle peut être obligatoire pour certains. On va voir par exemple la mu'amala ja'iza, dans ces exemples, dans ces unités, il y a des unités qui sont mustahabba, recommandées, et d'autres qui peuvent être obligatoires. Donc la mu'amala mukaffira, qui sort de l'islam, c'est ce qu'ont appelé certains ulama at-tawalli, at-tawalli, ou bien al-mu'alatu al-kubra. Al-mu'alatu al-kubra. Ici, nous voyons que le Cheikh a dit, Cheikh Mohamed Abdel Wahab, on revient au texte de Usul al-Thalatha, anna man ata'a al-rasoula wa wahada allaha la yajouzu lahu mu'alatu man hadda allaha wa rasoula. Donc le Cheikh a parlé de mu'alat. Il a dit que al-mu'alat, il a dit la yajouzu lahu. Et cette expression, chez les usuliyyines, tufidu al-tahrim. Donc elle indique, elle implique l'interdiction. La yajouz, ce n'est pas pour le makruh. Il n'y a pas de mu'alat makruha. De mu'alat makruha, il n'y a pas. Al-mu'alat, c'est un dhanb qat'an. Elle rentre dans le kaba'ir pour la muharrama, ou bien dans le mukaffira. C'est un naqid min nawaqid l'islam. C'est un acte annulatoire de l'islam pour donc la mukaffira. Celle qui n'est pas mukaffira, elle est muharrama. Donc la mu'alat, al-mukaffira, al-mu'amal al-mukaffira, c'est ce qu'on appelle al-mu'alat al-kubra, la grande mu'alat, ou bien at-tawalli. Donc lorsque tu lis dans la parole des savants, et notamment des ulama du Najd, at-tawalli, c'est le synonyme de mu'alat al-kubra. Et ça, c'est tout ce que, tout ce pourquoi il y a une preuve, donc du Coran, ou bien de la Sunna, comme quoi c'est du kufr, et une ridda, un acte d'apostasie. Et parmi ceci, donc après on va entrer dans le détail, parmi ceci, mahabbatu din il kuffar, l'amour de la religion des kuffars. Aimer le christianisme, aimer le judaïsme, aimer la laïcité, aimer le communisme, aimer le populisme, aimer toutes ces idéologies qui sont du kuffar en elles-mêmes, ceci aussi est du kuffar. Wa mahabbatu intisarihim, et aimer aussi que ces gens-là gagnent et prennent le dessus, et qu'ils soient donc en première position, wa mudaharatuhum ala al-muslimin, et aussi aider ces gens-là contre les musulmans afin qu'ils prennent le dessus, comme on va le voir inshallah dans le détail. Al-halatu thaniya, donc la deuxième partie de la mu'amala avec les mécréants, donc la mu'amala muharrama, la relation qui est interdite, ghayr mukaffira, mais qui ne sort pas la personne de l'islam. Et ça, c'est ce qu'on appelle al-mu'alat, donc as-sughra. C'est la petite mu'ala. Et ça, c'est tout ce pourquoi il y a un dalil, comme quoi c'est haram. Mais dont le tahrim, dont l'interdiction, n'arrive pas au niveau du kufr. Dont l'interdiction n'arrive pas au niveau du kufr. Comme par exemple, les mettre en première position dans les assises, par exemple. Mettre les mécréants en première position dans les assises. Commencer le salam lorsqu'on rencontre un mécréant. Aussi les prendre dans des postes hein, qui sont importants comme ministre, etc. Beaucoup de points comme ça que l'on verra, inshallah, bihaoulillah, après. Après, le troisième cas, c'est al-mu'amala ja'iza. Donc la mu'amala qui est permise. Et celle-ci, elle ne rentre pas dans al-mu'alat. Elle ne rentre pas dans l'istilah. Elle ne rentre pas dans le lafd de mu'alat. Al-mu'alat, elle est en deux, composée de deux parties. Al-mu'alat ul-kubra, Al-Mu'alatul Kubra, qui donc sort de l'islam, son synonyme est. C'est quoi son synonyme? At-Tawalli. At-Tawalli, Al-Mu'alatul Kubra, ça c'est un aqid min awaqid l'islam, c'est un acte annulatoire de l'islam. Ensuite on a Al-Mu'alatul Sughra. Al-Mu'alatul Sughra, qui est donc haram et qui rentre dans le kaba'ir, mais qui ne fait pas sortir la personne de l'islam. Puis après on a pas un troisième type de mu'alat, un troisième type de mu'amala, de relation. Et le mu'alat, on a dit, c'est les deux premiers cas. Mu'amalatun ja'iza, donc un type de relation qui est permis. Et ça, c'est tout ce que la sharia a montré comme étant permis. Comme par exemple, l'équité avec eux, être juste avec ceux qui ne sont pas en guerre contre nous, lier les liens de la parenté, même si les parents sont mécréants, etc. Rendre le dépôt, tous ces types de comportements que la sharia donc a dit que c'était permis. En vérité, c'est même wajib ça. Al-qist wa al-adl avec les mécréants. Est-ce que c'est juste permis comme ça? C'est mustahab? Non, c'est wajib. Silatul rahim avec les parents mécréants. Kedalik. Al-bir, birrul walidain. Birrul walidain avec des parents mécréants. Est-ce que ça entre dans le mu'alatul kubra qui sort de l'islam? Non. La mu'amala muharrama, est-ce que ça rentre dans la mu'amala muharrama? Non. Et est-ce que ça rentre dans la mu'amala ja'iza? Oui, mais est-ce que c'est ja'iz de bien se comporter avec sa mère et son père s'ils sont mécréants? Non, c'est wajib. Donc là, c'est ja'iz dans le sens, c'est permis dans le sens quand on compare aux deux autres catégories qui sont soit annulatoires de l'islam ou soit dans les kabaïres. Donc l'imam al-Qarafi dit, rahmatullahi alayhi, فَيَتَعَيَّنُ عَلَيْنَا أَنُّ بِرَّهُمْ بِكُلِّ أَمْرٍ لَا يَكُونُ ظَاهِرُهُ يَدُلُّ عَلَى مَوَادَّاتُ الْقُلُوبِ عَلَى مَوَادَّاتِ الْقُلُوبِ وَلَا تَعْظِيمِ شَعَائِرِ الْكُفْرِ. Donc il dit par rapport à ces deux versets, l'imam Qarafi, donc il nous appartient donc de bien nous comporter avec eux, de les aimer. De les aimer? Non, de bien nous comporter avec eux, ce qui est donc en lien avec l'extérieur, alors que le cœur lui toujours garde elle bourde la haine, de bien nous comporter avec eux, avec toute chose dont l'apparence ne montre pas l'amour du cœur. Et ni que l'on donne de l'importance, ni pardon que l'on, donc on vénère, on donne de l'importance au sha'air du kufr, donc aux règles du kufr. Donc l'imam al-Qarafi donc parle ensuite donc de la mu'amala qui ne fait pas partie de la mu'amala mukaffira, mais qui fait partie de la mu'amala muharrama, en disant qu'il fait partie de, donc ça entre dans al-kaba'ir et la mu'alat sughra, donc de les appeler par des asma' azima, de les appeler par des noms leur faisant honneur et qui élèvent leur votre excellence, votre honneur, votre majesté. Et la shubha de min Muhammadin ibn Abdullah ila azim ar-Rum, de Muhammad fils de Abdullah, min Muhammadin rasulillah ou min ila azim ar-Rum, au azim des Romains, il y a réponse à cela. Ça ne montre pas que le prophète alayhi salatu wassalam appelait les gens avec des grands noms. Première chose, pourquoi? Parce que ça, c'était le nom qu'il portait dans son peuple. Azim ar-Rum. Le prophète alayhi salam n'a pas apporté un nouveau nom. Il était appelé comme ça. Comme le président de la République, tu dis président de la République. Tu ne lui as pas fait là un thana, une éloge. Parce qu'il est à la base appelé comme ça. Et Azim ar-Rum, c'était le nom de celui-là auquel a écrit le prophète alayhi salatu wassalam, celui qui est avant lui et celui qui est après lui. Donc c'était un laqab. C'était un surnom qui était pour tous les rois de Rome. Le deuxième, c'est que il n'a pas rajouté d'autres expressions. Donc Azim ar-Rum, c'était présent dans le peuple. Il n'a pas dit Azim ar-Rum, Sahibu Kada. Il a rajouté beaucoup d'autres expressions par lesquels il a fait son éloge. Comme c'est le cas aujourd'hui de As-Sayyid, on entend. Ou bien Al-Jalal, ou bien Al-Fakham. On entend ces noms pour des gens qui sont des murtad, en dini Allah azza wa jal, des apostats. Troisième, c'est qu'il a dit azim ar-Rum. Il a dit le azim des Romains. Il n'a pas dit azim ad-dunya. Ou bien, il a identifié cette adama à son peuple. Donc, il n'a pas dit hirqalul azim, par exemple. Hercule le azim. Non, il a dit le azim des Romains. Ça, c'est une shubha par laquelle certains entrent pour te dire que tu peux les interpeller comme tu veux. Donc ça, ce sont les trois types donc de relations avec les mécréants. Maintenant, nous allons, Inch'Allah, développer donc Al-Mu'alat. Al-Mu'alat, la première. Cheikh Ali Al-Khoudir, rahmatullahi alayhi, pardon, Cheikh Ali Al-Khoudir, hafidhahullah, donc dans son charh de Usul al-Thalatha al-Wajaza, qui est un charh magnifique, il dit والموالات تنقسم الى قسمين donc al mualat comme on l'a dit se divise en deux parties mualat kubra la grande mualat wa tusamma al mualat al mutlaqa on appelle aussi ça la mualat absolue wal uzma la grande l'immense wa tusamma al tawalli et c'est aussi appelé al tawalli wa hadhihi mukhrija min al din et elle sort la personne de l'islam idha wujidat fi mu'minin kharaja min al din wa hiya arba'atu anwa' donc elle est de quatre types il dit un, mahabbatul kuffar li dinihim. La première chose, l'amour des mécréants pour leur religion. Aimer les kuffars, deux, par leur religion. Et dans le hadith de Abi Malik al-Ashja'i, que rapporte Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah, haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Celui qui dit la ilaha illallah et qui a mécru en ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, son argent et son sang sont devenus sacrés et il incombe à Allah subhanahu wa ta'ala ses comptes. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa kafara bima yu'badu min dunillah. Donc c'est ça, c'est une condition. Celui qui dit la ilaha illallah et qui ne mécroit pas en ce qui a été adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il a réalisé la ilaha illallah? Non, parce que dans les shurut de la ilaha illallah, elle kufru bit tahout, mais croire au tahout. Et il n'y a pas de iman possible sans le kufru bit tahout, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yakfur bit tahout, wa yu'min billah, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Celui qui mécroit au tahout et croit en Allah, c'est certes accroché à l'urwati al-wuthqa, comme a dit Ibn Abbas, c'est la ilaha illallah. Donc le sens, c'est que celui qui n'a pas mécru au tahout ne s'est pas accroché à l'anse d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est la ilaha illallah. Donc l'amour des mécréants en raison de leur religion. Donc parmi ces exemples, le cheikh dit hafidhahullah wa fakallahu asra, qu'Allah le libère, il dit par exemple il aime les laïcs parce qu'ils sont laïcs. Il aime les laïcs parce qu'ils sont laïcs. Il aime les démocrates parce que ce sont des démocrates. Il aime aussi les gens parlementaires, les gens qui légifèrent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les aime de par cette qualité-là. Donc celui qui aime donc des gens pour leur mécréance, c'est un mécréant comme eux. Allah subhanahu wa ta'ala dit: "Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya", ô vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, ba'duhum awliya ou ba'd, car ils sont les alliés les uns des autres. Donc celui qui s'allie à des mécréants, donc par l'amour de leur idéologie, il fait partie d'eux. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit « Ba'duhum awliya'u ba'd » Les uns sont les alliés des autres. Et on a dit que l'alliance c'est quoi? Al-mu'alat à la base. Al-hub wa nusra. Donc celui qui aime les démocrates, qui aime les laïcs, qui aime les communistes, qui aime ces gens-là, les chrétiens, les juifs, de par donc leur idéologie, religion fausse, c'est qu'il est comme eux. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit ba'duhum awliya'u ba'd. Donc si tu es allié de ces gens-là, c'est que tu fais partie d'eux, comme l'indique le verset. Deuxième partie de la mu'alat al-kubra qui sort de l'islam, an yansura wa yusa'id al-kuffar 'ala al-muslimin. Donc il assiste et aide les kuffars, les mécréants contre les musulmans. Et il dit le verset qui a été cité auparavant le montre. Et donc la mu'alat ici, donc c'est l'aide par quelques moyen que ce soit, comme nous allons le voir, Inch'Allah, que ce soit par la vie, en écrivant des livres, en écrivant des articles, soutenant ces gens-là, en les aidant financièrement, en accueillant donc des bases militaires sur les terres musulmanes, en envoyant des soldats avec eux pour pouvoir combattre les musulmans. Toutes ces formes-là d'aide, que ce soit par la langue, par le cœur, par l'argent, par le corps, toutes ces choses-là entrent dans Nawaqid l'islam, les actes annulatoires de l'islam, sans la condition de l'amour, car celui qui fait ça aime les mécréants. On ne prend pas le talazoum dans le sens contraire comme font les mourjis contemporains. Il fait ça, mais peut-être il ne les aime pas. Non, s'il fait ça, c'est parce qu'il les aime. Si un journaliste écrit et soutient les mécréants qui combattent les musulmans, c'est parce qu'il les aime. Si quelqu'un prend les armes et va avec les mécréants contre les musulmans, c'est parce qu'il les aime. Il est statué du kufr de par son acte. L'intérieur, nous, on ne regarde pas. 3, il dit « Mu'alat al-muwafaqa wal-mutaba'a ». Donc l'alliance, donc de l'accord et du suivi. C'est-à-dire qu'il les suit dans sa mécréance. Et il est en accord avec eux. Il dit aussi « Yamdahu madhhabahum ». Il fait l'éloge aussi de leur voix. Il dit « Vous êtes des pays exemplaires. Hein, vous êtes des systèmes exemplaires pour l'humanité. » Et il authentifie leurs idéologies et leurs voix. Il dit que vos voix, elles sont bien et que ce sont des idéologies authentiques et exemplaires. Donc ça va être permis quand ? Dans l'ikrah. Si quelqu'un est sous la contrainte, soit la mort, soit il fait l'éloge des mécréants, hunay yajouz. Ici, c'est permis. Mais est-ce que l'ikrah peut intervenir sur le cœur ? Non. Il faut que le bourde intérieur soit toujours présent. Donc, mu'alat al-muwafaqa wal-mutaba'a. L'alliance, donc, d'être en accord avec leurs idéologies et de les suivre là-dedans. Donc, par exemple, il fait l'éloge des systèmes, des pays mécréants, pour pouvoir obtenir un statut, obtenir de l'argent ou autre. Et ceci est du kufr, mukhrijun min al-millah, qui fait sortir de l'islam. Et donc ce kufr ici, donc ça c'était catégorie 3 et 4. Wal kufr huna yusamma kufr at-tawalli. Le kufr ici s'appelle kufr at-tawalli. Ensuite il parle de al-mu'alat al-sughra. Cheikh Ali al-Khudayr, hafidhahullah, il dit que la petite mu'alat, donc il dit elle n'est pas citée en étant petite car c'est un petit péché. Il dit non, c'est par rapport à, c'est pour la différencier de al-kubra, qui elle est du kufr. Mais elle aussi, elle entre dans le, elle fait partie des grands péchés. Et il dit par exemple, des exemples de mu'alat sughra, il dit, tasdiruhum al-majalis, les mettre en première position. Les mettre en première position, les mettre devant, dans les réunions. Ça, dans les assises, ça fait partie de al-mu'alat sughra. Aussi, ikramuhum, donc leur faire honneur. Comme on avait dit par la parole, votre honneur, votre majesté, votre excellence. Ensuite, il dit leur donner des positions donc de responsabilité par rapport aux musulmans. Comme les maîtres, par exemple, pour un chef d'État, les maîtres ministres, les maîtres préfets, les maîtres maires. Ça rentre dans al-mu'alat as-sughra ou min al-kaba'ir. C'est quelque chose qui est grave et qui va amener, comme disent beaucoup de salafs, ça amène avec le temps la mu'alat, donc al-kubra. Aussi tahni'atuhum bi afrahihim, aussi les féliciter donc lorsqu'ils ont des événements de joie, comme joyeux anniversaire, ça rentre dans le mu'alat sughra, ça, joyeux anniversaire, bonne année, ça rentre dans le mu'alat sughra. Hada, c'est un dhanb azim, ça, c'est pas quelque chose de, parce que c'est quelque chose, subhanallah, qui montre que dans ton cœur tu es naqis, dans ton bourde du kufr et des kuffar. Et ça va risquer à force, ça peut t'amener à la mu'alat kubra. Mais cette mu'alat sughra, elle est sughra si elle garde la condition qu'à l'intérieur, il y a toujours al-mu'adat, l'animosité ou al-bourd, la haine. Donc nous, inshallah, on va développer bi'iznillahi azza wa jal un point qui aujourd'hui donc fait beaucoup couler d'encre de la part de certaines personnes, dont le souci principal est de protéger des tawarites, quel que soit le niveau de kufr atteint par ces gens-là, ils ont pris comme contrat de dépenser tout leur argent, leur temps, leur sang, leur énergie pour pouvoir protéger ces gens-là. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ces gens-là, ni dans leur cœur, qu'Allah les guide. Inch'Allah nous préserve du mal de ces gens-là. Donc quel est le statut, on va voir, de la grande alliance avec les mécréants contre des musulmans. Première chose, on va commencer par Al-Ijma'. Alors que normalement, on devrait commencer par les preuves du Coran, mais là, je vais rapporter quelques consensus pour montrer qu'il n'y a pas de khilaf là-dedans, afin de fermer la porte à tout débat avec des gens qui voudraient faire croire que c'est une mas'ala khilafia. Parce que les gens, quand eux, ils ne peuvent pas donc montrer que ta parole, c'est une parole de khawarij, de takfiri égaré, alors ils essaient de limiter la casse en disant, bon, au moins, il y a khilaf. Hein, comme ça, il a toujours cette porte de prêche pour pouvoir propager ce qu'il dit. Non, nous on dit que conditionner l'amour dans la mu'alat al-kubra, ça c'est de l'égarement. Cheikh Abdel Latif ibn Abdel Rahman ibn Hassan al-Sheikh, rahmatullahi alayhim, qala fi durar. Il a dit dans durar, dans le volume 8, page 326, a'da kalamin lahu an wujubi mu'adat al-kuffar wal-bara'ati minhum. Fakayfa biman a'anahum. Donc il dit, comment... Alors, cher Abdel Latif, rahmatullah alayh, donc a dit des paroles concernant l'obligation donc d'avoir de l'animosité, de l'adversité envers les mécréants et de se désavouer d'eux. Puis il a dit fakayfa biman a'anahum. Qu'en est-il alors de celui qui les aide? Aw jarrahum ala bilad al-islam, ou bien qui les prend et les fait pénétrer donc dans les terres musulmanes. Aw athna alayhim, ou bien qui fait leurs éloges. Non, aw faddalahum bil 'adl ala ahli al-islam. Et qu'il les favorise donc dans la justice par rapport aux gens de l'islam. Wahtara diyarahum, et qui a choisi donc leur terre, wa musakanatahum, et de vivre avec eux. Wa wilayatahum, et donc de les avoir au-dessus de lui en tant que gouverneur responsable. Wa ahabba dhuhurahum, et il aime que ces gens-là prennent le dessus. Il aime voir les mécréants prendre le dessus et avoir la victoire. Fa inna hadha riddatun sarihatun bil ittifaq. Ceci est une apostasie évidente, claire, par consensus. قال الله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. Allah a dit, et celui qui mécroit à la foi, certes, ses actions ont été annulées et il fait partie des perdants dans l'au-delà. Ça c'est le premier ijma'. وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله. Et الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله a dit dans Durar, dans le volume 15, page 479. Durar al-Saniya, ça c'est Abdurrahman ibn Qasim, rahmatullahi alayhi, wa jazahallahu khairan, ce travail qu'il a fait, il est extraordinaire. Il a réuni donc beaucoup de fatwas, de paroles et de lettres des a'imma de la da'wa al-Najdiya. C'est un très beau recueil. Donc dans le volume 15, page 479, yaqul al-Sheikh Abdullah ibn Humayd, wa amma al-tawalli. Quant au tawalli, donc tawalli c'est quoi? C'est mu'alat kubra ou bien sughra? Kubra. Wa amma at-tawalli fa huwa ikramuhum, c'est leur faire honneur. Wa athna'u alayhim, et leur faire éloge. Wa an-nusratu lahum, et les assister. Wa al-mu'awanatu 'ala al-muslimin, et les aider contre les musulmans. Wa al-mu'ashara wa 'adamu al-bara'ati minhum dhahiran. فهذا ردة من فاعله يجب أن تجرى عليه أحكام المرتدين كما دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع الأمة المقتضى بهم. Donc il a dit aussi, ainsi que donc les relations affectives avec eux et le fait de ne pas se désavouer d'eux par l'apparent, donc par l'extérieur. فهذا ردة من فاعله. Ceci est une apostasie من فاعله, il a dit, de celui qui fait ça. Il n'a pas dit من معتقده, de celui qui a l'اعتقاد intérieur. من فاعله, de celui qui fait cela. Il est obligatoire donc d'appliquer sur lui les règles des apostats, comme se l'a montré le livre la Sunna et le consensus de la Ummah. Donc là on était dans le rapport des consensus. Troisième ijma', قال الشيخ عبد العزيز Ibn Baz, rahmatullah alayh, donc dans ses fatwas, volume 1, page 274. وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ عَلَى أَنَّ مَنْ ظَاهَرَ الْكُفَّارَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ وَسَاعَدَهُمْ بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ. Et les savants de l'islam sont en accord unanime que celui, donc, ظَاهَرَ الْكُفَّارَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ, qui aide, donc, les kuffars à avoir la victoire sur les musulmans, وَسَاعَدَهُمْ, et qui les aide, بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ, avec quelque type que ce soit, donc d'aide, que ce soit par la langue, que ce soit par les actes, que ce soit par les écrits, que ce soit par son avis, par ses prêches, فَهُوَ كَافِرٌ مِثْلُهُمْ, c'est quelqu'un qui est mécréant comme eux. كَمَا قَالَ تَعَالَى كما قال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء كما قال الله سبحانه وتعالى أو vous qui avez cru ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés بعضهم أولياء بعض car ils sont les alliés les uns des autres ومن يتولهم منكم فإنه منهم et celui qui les prend comme alliés parmi vous il fait partie d'eux إن الله لا يهدي القوم الظالمين Allah سبحانه وتعالى ne guide pas les peuples injustes سورة المائدة verset 51 طيب. Les dalils du Coran concernant ce que l'on a dit. Donc on va avoir 8 versets qu'on va traiter et ce n'est qu'une goutte d'eau en réalité dans l'océan. Donc premier verset, ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya. Oh vous qui avez cru ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés. Ba'duhum awliya wa ba'd. Ils sont les alliés les uns des autres. Wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Et celui qui les prend comme allié parmi vous, il fait partie d'eux. Inna Allah la yahdi al-qawm adh-dhalimin. Allah ne guide pas les peuples injustes. Donc de ce verset-là, il montre que celui qui assiste les mécréants donc est un apostat et ceci selon trois angles. Le premier, qawluhu ta'ala ba'duhum awliya'u ba'd. Ils sont les alliés les uns des autres. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a montré que les mécréants donc sont les alliés les uns des autres et donc Allah subhanahu wa ta'ala a coupé l'alliance des mécréants avec les musulmans. Il n'y a pas d'alliance entre les musulmans et les mécréants. D'alliance, de grande alliance comme celle-ci, il n'y en a pas puisqu'il a dit ba'duhum awliya'u ba'd. Il n'y a pas ba'duhum awliya'u al-muslimin. Ba'duhum awliya'u ba'd. L'alliance, l'espace de l'alliance des mécréants, c'est entre eux. Il n'y a pas d'alliance, de grande alliance entre les musulmans et les mécréants. فَدَلَّ عَلَىٰ أَنَّ مَنْ تَوَلَّاهُمْ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعَالَىٰ بَعْدُهُمْ Ce qui prouve que celui qui les prend donc comme alliés entre dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala بَعْدُهُمْ Les uns sont les alliés des autres. Donc celui qui les prend comme alliés entre là-dedans. Il entre dans les uns ou bien dans les autres. Mais il ne peut pas sortir de ces deux catégories-là. Il est donc dans l'enceinte des mécréants. Ibn Jarir At-Tabari rahmatullah alayhi dit dans son tafsir amma qawluhu ba'duhum awliya'u ba'd quant à la parole ils sont les alliés les uns des autres fa innahu 'ana bidhalika anna ba'd al-yahuda ansaru ba'dihim 'ala al-mu'minin Allah subhanahu wa ta'ala indique par cette expression les uns sont les alliés des autres que certains juifs donc sont les assistants d'autres contre les croyants donc les juifs s'assistent les uns les autres contre les croyants et ceci est extrêmement clair. وَيَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ وَيَدٌ وَاحِدَةٌ عَلَى جَمِيعِهِمْ et ils sont qu'une seule main, qu'une seule force contre les musulmans. وَأَنَّ النَّصَارَى كَذَلِكَ بَعْضُهُمْ أَنْصَارُ بَعْضٍ عَلَى مَنْ خَالَفَ دِينَهُمْ وَمِلَّتَهُمْ et les chrétiens de même les nasara sont les alliés les uns des autres contre ceux qui vont à l'encontre de leur religion. Et ça c'est clair celui qui lit l'histoire et les croisades. Donc on fait l'Europe contre le monde musulman et comprendra cela. مُعَرِّفًا بِذَلِكَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ مَنْ كَانَ لَهُمْ أَوْ لِبَعْدِهِمْ وَلِيًّا فَإِنَّمَا هُوَ وَلِيُّهُمْ عَلَى مَنْ خَالَفَ مِلَّتَهُمْ وَدِينَهُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ Allah subhanahu wa ta'ala donc informe donc ses serviteurs croyants que celui qui est donc avec eux ou bien avec certains d'entre eux, il est en réalité l'allié de ces gens-là contre les musulmans. Pourquoi ? Parce que ces gens-là, ils sont alliés les uns des autres. Pourquoi ? Contre l'islam. Donc celui qui s'allie à eux, il est allié à eux contre l'islam. Deuxième angle, donc point montrant le kufr de celui qui aide les mécréants contre les musulmans. قَوْلُهُ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ Celui qui les prend comme alliés parmi vous fait partie d'eux. Ibn Jarir At-Tabari, bon vous connaissez Ibn Jarir At-Tabari, c'est le plus grand des Mufassir, c'est lui le père, entre guillemets, des Mufassirines. Rahmatullah alayh. Il a un grand tafsir en plusieurs volumes. Et tous ceux qui sont arrivés après lui, en fait, n'ont fait que prendre un bol de ce grand océan qu'il a laissé, rahmatullah alayh. Donc il dit, يعني تعالى ذكره بقولي. Allah subhanahu wa ta'ala indique par sa parole, et celui qui les prend comme alliés parmi vous, il fait partie d'eux, que celui qui prend comme allié les juifs et les chrétiens en dehors des croyants fait partie d'eux. Il dit, et certes, celui qui les prend comme alliés et les assiste contre les croyants, il fait partie des gens de leur religion. Et écoutez, là, c'est important, les Mourji'a, ils tombent dans ce type de... Ils lisent mal ces phrases-là, ils comprennent mal. Et ça, cette aqidat talazum d'interdépendance est extrêmement importante. فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّ مُتَوَلِّنْ أَحَدًا فَإِنَّهُ لَا يَتَوَلَّ مُتَوَلِّنْ أَحَدًا إِلَّا وَهُوَ بِهِ وَبِدِينِهِ وَمَا هُوَ عَلَيْهِ رَاد. Car il n'y a pas un allié qui prend un autre allié sans que celui-ci soit donc agréé sa religion et ce sur quoi il est. Est-ce que l'imam Tabari ici, donc l'imam Tabari ici, a évoqué un acte du cœur ou pas? Rida, si, il a évoqué l'agrément du cœur. Mais est-ce que il a dit c'est parce qu'il agrée il agrée la religion de ces gens-là qu'il sort de l'islam ou bien c'est parce qu'il les prend comme alliés contre les musulmans que ceci prouve qu'il agrée. C'est la deuxième expression. Et ici, des gens se trompent. Et on te dit, regarde, l'imam, même dans وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Tu lis le tafsir d'Ibn Jarir al-Tabari, et il n'y a pas l'ishtirat du qalb. Il ne parle pas du cœur. Mais celui qui rentre avec ce prisme-là, avec la lecture, avec une lecture de Mourji, il va trouver dans les mutashabihat, soit du Qur'an, de la Sunna, ou bien des kalam de Ahl al-Ilm, des choses qui vont concrétiser sa aqidah. Le Cheikh a cité, donc celui qui prend les non-musulmans comme alliés contre les musulmans, il dit, il n'y a pas quelqu'un qui prend comme allié un autre sans que celui-ci agrée sa religion et sa voix. وَإِذَا رَدِيَهُ وَرَدِيَ دِينَهُ فَقَدْ عَادَ مَا خَالَفَهُ وَسَخِتَهُ وَصَارَ حُكْمُهُ حُكْمَهُ. Il dit, et donc si jamais il agrée sa voix, sa religion, il a donc pris comme ennemi, comme il a fait preuve d'adversité par rapport à ce qui va à l'encontre de cette religion juive, chrétienne ou autre. Et donc son statut devient leur statut. Troisième point de ce verset-là, donc montra la mécréance de celui qui aide les mécréants contre les musulmans. Inna Allah la yahdi al-qawm al-dhalimin. Et le dhulm ici, c'est le dhulm akbar. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, wal-kafirun hum al-dhalimun. Et les mécréants sont les injustes. Parce que les suiveurs de mutashabih vont te dire, Allah il n'a pas dit, inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin. Il dit, inna Allah la yahdi al-qawm al-dhalimin. Donc c'est un dhalim. C'est un fasiq. C'est quelqu'un qui a fait un grand péché. Mais il n'a pas fait un aqid min nawaqid l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala dit wal kafirun hum al-dhalimun. Et tout le siyaq de cette surah-là, surah al-Ma'idah, va nous montrer qu'en réalité, c'est du kufr akbar, comme on va le voir. Cheikh Ibn Taymiyyah l'expliquera. Et les versets ensuite parlent d'apostasie claire. Donc Ibn Jarir, rahmatullah alayhi, dit toujours وَالصَّوَابُ مِنَ الْقَوْلِ فِي ذَلِكَ. Et donc la vie authentique parmi ceux-ci, عِنْدَنَا, pour nous, أَنْ يُقَال. Donc c'est que l'on dise إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى ذِكْرُهُ نَهَى الْمُؤْمِنِينَ جَمِيعًا أَنْ يَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَارَ أَنْصَارًا وَحُلَفَاءَ عَلَى أَهْلِ الْإِيمَانِ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ. C'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit aux croyants, donc à tous les croyants, de prendre les juifs et les chrétiens comme ansar, donc comme alliés, comme assistants, وَحُلَفَاء, comme des gens avec qui ils entrent en contrat contre les gens de la foi en Allah et au messager sallallahu alayhi wa sallam. وَأَخْبَرَ أَنَّهُ مَنْ اتَّخَذَهُمْ نَصِيرًا وَحَلِيفًا. Et il a informé que celui qui les prend comme nasir, assistant, وَحَلِيف, donc comme allié contractuel, وَوَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ, en dehors d'Allah, وَرَسُولِهِ, et de son messager, وَالْمُؤْمِنِينَ, et des croyants, فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, il fait partie d'eux, فِي التَّحَزُّبِ عَلَى اللَّهِ, dans le fait de se coaliser, de former un parti contre Allah, wa ala rasulihi, et contre son messager, wal mu'minin, et contre les croyants, wa anna Allah wa rasulahu minhu bari'an, et Allah et son messager se désavouent de lui. Deuxième dalil, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, fatara alladhina fi qulubihim maradun yusari'una fihim yaquluna nakhsha an tusibana da'irah fa'asa Allah an ya'tiya bil fath aw amrin min 'indihi fayusbihu 'ala ma asarru fi anfusihim nadimin. Et tu vois ceux qui ont des maladies dans le cœur, s'empressant vers eux, vers les mécréants. Ils s'empressent de s'allier aux mécréants, comme c'est le cas aujourd'hui, subhanaka ya karim. Ils s'empressent de s'allier vers eux en disant, nous avons peur, donc que la situation change et qu'elle soit à notre, elle ne soit à notre défaveur, qu'elle soit à notre, elle ne soit pas à notre faveur. Puis Allah dit, fa'asa Allahu an ya'tiya bil fath, mais il se peut qu'Allah sûrement apporte la victoire ou bien une situation de sa part, et ils seront, par rapport à ce qu'ils ont caché à l'intérieur, ils seront dans le regret. Donc Allah subhanahu wa ta'ala D'abord, a décrit dans ce verset-là que Tawalli al-Kuffar, la grande alliance avec les mécréants, fait partie des sifat, fait partie des qualités de ceux qui ont des maladies dans leur cœur. Et ce sont al-Munafiqoun, ce sont les hypocrites. Ibn Kathir, rahmatullahi alayhi, dit, donc dans son tafsir ici, wa qawluhu ta'ala fatara alladhina fi qulubihim marad. Et tu vois ceux qui ont dans leur cœur, donc, une maladie. Ay shakkun, ils ont du doute. Wa raybun, aussi c'est du doute. Wa nifaq. Et de l'hypocrisie. يسارعون فيهم أي يبادرون إلى موالاتهم ومودتهم في الباطن والظاهر. Ce sont des gens qui s'empressent donc d'aller vers l'alliance et l'amour donc des mécréants de manière extérieure comme intérieure. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. Ils disent nous avons peur donc que la situation change. أن تصيبنا دائرة, que la situation change et qu'elle soit donc pas à notre faveur. Donc ils prennent comme alliés, ces gens-là, les mécréants, dans l'amour et dans les grandes alliances, parce qu'ils craignent que la situation donc devienne une situation dans laquelle les mécréants vont avoir du pouvoir, de la force, donc une emprise sur les musulmans. Donc ils veulent, au cas où il y ait cette situation, avoir une position de force donc et favoriser auprès des juifs et des chrétiens dont ils profiteront. Donc il dit يتولون في مودتهم وموالاتهم انهم يخشون ان يقع امر من ظفر الكافرين بالمسلمين فتكون لهم اياد عند اليهود والنصارى فينفعهم ذلك. Donc j'ai traduit le sens auparavant. Troisième délil. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ويقول الذين امنوا هؤلاء الذين اقسموا بالله جهد ايمانهم انهم لمعكم habitat a'maluhum fa asbahu khasirin. Ces versets qu'on lit là depuis tout à l'heure, ils se suivent. Donc tout ça, c'est sourate al-Maïda. Vous commencez au verset 51, c'est le premier qu'on a cité. Ensuite 52, c'est celui que je viens de dire en deuxième délil. Et là, on est au verset 53-56, là, troisième délil. Et donc, les croyants disent, en voyant ces gens-là faire une grande alliance avec les mécréants, Allah cite donc les vrais croyants. Dans le verset suivant, qu'est-ce qu'ils disent les vrais croyants? Ils disent وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا. Et les croyants disent, est-ce que ce sont ceux-là qui avaient juré par Allah, donc du plus fort de leur serment, ils avaient juré qu'ils font partie de vous? Donc les croyants se demandent. Ils disent, mais ces gens-là qui ont fait une grande alliance avec les mécréants, aha ou là, est-ce que c'est bien eux, الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ, qui ont juré au nom d'Allah, جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ. L'ayman, c'est le pluriel de yamin. L'yamin, c'est wallahi que. C'est le fait de jurer. Donc, ils ont juré au nom d'Allah, jahda aymanihim, du plus fort de leur serment. Innahum la ma'akum, qu'ils sont avec vous, ces gens-là. Habitat a'maluhum, leur, Allah dit, leurs œuvres ont été annulées. Habitat a'maluhum, fa asbahu khasirin. Et ils sont devenus, donc, des gens qui ont échoué. Puis Allah subhanahu wa ta'ala dit, dans le verset suivant, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا. Ô vous qui avez cru, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ. Celui qui apostasie de sa religion. فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala apportera bientôt un peuple, يُحِبُّهُمْ, qu'il aime. Donc que Allah aime. وَيُحِبُّونَهُ, et qu'ils aiment. Donc ils aiment Allah subhanahu wa ta'ala. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. On dort parce que les autres, ils n'étaient pas comme ça. أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. Humbles avec leurs frères, avec les croyants. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ. Et qui sont puissants, forts devant les mécréants. يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. Qui combattent sur le chemin d'Allah. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ. Et qui n'ont pas peur donc du reproche de quiconque. ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ. Et tel est le bienfait d'Allah qu'il donne à qui il veut. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. Et Allah est large dans ses dons. عَلِيمٌ. Et savant, il sait à qui il donne ça. Ce positionnement, il le donne pas à n'importe qui. Il sait à qui il le donne. Puis Allah dit إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ. إِنَّمَا, seulement. Cette expression إِنَّمَا تُفِدُ الْحَصَرُ. L'exhaustivité, l'exclusivité. إِنَّمَا, seulement. وَلِيُّكُمْ, votre allié sont Allah, وَرَسُولُهُ, et son messager, وَالَّذِينَ آمَنُوا, et ceux qui ont cru. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. الَّذِينَ آمَنُوا, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Donc il n'a pas dit الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. Ceux qui ont cru et ceux qui ont pratiqué la prière. Non, الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ, là c'est une qualité de ceux qui ont cru. Ceux qui ont cru et ceux qui ont cru qui font la prière. وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ et qui donnent la zakat, وَهُمْ رَكِعُونَ et qui sont aussi en position de ruku' incliné. وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا et ceux qui prennent comme allié Allah et son messager et les croyants, فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ le parti d'Allah sont les vainqueurs. Surat Ma'ida verset 53-56. Donc cette ayah montre sous six angles différents le kufr de ceux qui prennent donc les mécréants en tant qu'alliés contre les musulmans. Le premier point, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et les croyants disent, est-ce que ce sont ceux-là qui ont juré au nom d'Allah, du plus fort, donc serment que ce soit, qu'ils font partie de vous, qu'ils sont avec vous, c'est-à-dire qu'ils sont mensongers là-dedans. Ils sont mensongers là-dedans. Ibn Jarir, rahmatullahi alayhi, dit, يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ تَعَجُّبًا مِنْهُمْ Les croyants disent, par étonnement, تَعَجُّبًا مِنْهُمْ وَمِنْ نِفَاقِهِمْ et de leur hypocrisie. Et comment sont-ils arrivés à cette conclusion d'hypocrisie? Par cette grande alliance. Car pour eux, ça ne peut pas être quelque chose qui provient d'un véritable croyant. Donc les croyants disent par étonnement de ces gens-là et de leur hypocrisie, وَكَذِبِهِمْ et de leur mensonge, وَاجْتِرَائِهِمْ عَلَى اللَّهِ de leur arrogance envers Allah subhanahu wa ta'ala, فِي أَيْمَانِهِمْ الْكَذِبَ dans leur serment mensonger, بِاللَّهِ dans leur serment avec par Allah subhanahu wa ta'ala mensonger, car ils avaient dit aqsamu billahi jahda aymanihim innahum la ma'akum. Et comment ce groupe de vrais croyants en est arrivé à la conclusion que ces gens-là sont mensongers dans le fait qu'ils ont juré? Comment ils ont annulé cette parole de la langue? Ils l'ont annulé par quoi? Par un acte du corps. Cet acte du corps vient prévaloir et effacer cette attestation selon laquelle tu... Et ça c'est un rad aussi ça. Les personnes ils suivent leur hawa. Regarde le verset, il est clair. Le verset, ils disent qu'eux déclarent être avec les croyants. Donc même ceux-là qui déclarent être avec les croyants, mais qui font des contrats donc militaires contre les musulmans pour éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien ce sont des kuffars murtaddoun. Donc et qui sont mensongers donc dans leur serment par Allah subhanahu wa ta'ala, « Aha ula illadina aqsamu lana billah » Donc les croyants disent, est-ce que ce sont ceux-là qui ont juré, qui nous ont juré par Allah, « innahum la ma'ana » qu'ils sont avec nous, وَهُمْ كَذِبُونَ فِي أَيْمَانِهِمْ لَنَا alors que ce sont des menteurs dans leur serment. Deuxième point tiré de ces versets-là. La parole d'Allah subhanahu wa ta'ala حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ leurs œuvres ont été annulées. C'est-à-dire ceux qui ont pris les mécréants dans une grande alliance contre les musulmans. وَحُبُطُ الْعَمَلِ لَا يَكُنُوا إِلَّا بِالْكُفْرِ et l'annulation, ça aussi c'est quelque chose d'important dans le Coran, l'annulation des œuvres n'est le cas donc que de quelqu'un qui sort de l'islam. Donc c'est par le kufr que les œuvres sont annulées. Et non pas par le kabair ou bien par as-sara'ir et ni par le petit shirk. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا » et quant à ceux qui ont démenti, rendu mensongère nos signes « وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ » et la rencontre de l'au-delà « حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ » leurs œuvres ont été annulés. Allah subhanahu wa ta'ala aussi dit ma kana lil mushrikin an ya'muru masajid Allah shahidin ala anfusihim bil kufr. Il n'appartient pas aux associateurs de remplir les maisons d'Allah subhanahu wa ta'ala en étant témoins de leur propre mécréance. Ulaika habitat a'maluhum. Ce sont ceux-là dont les œuvres ont été annulées wa fin narihum khalidun et ils sont éternellement dans le feu. Allah subhanahu wa ta'ala dit aussi, donc ça c'était dans sourate At-Tawbah verset 17, le verset que nous citons ici est dans sourate Al-Ma'idah verset 5. Wa man yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu. Et celui qui mécroit à la foi, ses actions ont été annulées. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans sourate Az-Zumar verset 65 la in ashrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Et si tu fais du shirk, donc akbar ou asghar, akbar, si tu fais du grand shirk, donc tes œuvres seront annulées et tu feras partie des perdants. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahmatullah alayhi a dit dans Sarim al-Maslul, donc c'est l'épée brandie à la shatim al-rasoul sur celui qui insulte le prophète. Il a dit « La tuhbatu al-a'malu bighayri al-kufr » Les actes ne sont jamais annulés par autre chose que la mécréance. « لِأَنَّ مَنْ مَاتَ عَلَى الْإِيمَانِ فَإِنَّهُ لَبُدَّ مِنْ أَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةِ وَيُخْرَجَ مِنَ النَّارِ أَوْ يَخْرُجَ مِنَ النَّارِ إِنْ دَخَلَهَا » Car il est obligatoire pour celui qui meurt selon la foi, donc sur la foi, il est obligatoire qu'il entre au paradis et qu'il sorte de l'enfer si jamais il y entre. Et si jamais ses actes dans la totalité sont annulés, donc il n'entrera pas au paradis. Troisième, donc preuve tirée de ces versets-là, « فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ » Ils sont devenus donc des gens parmi les perdants. Ils sont devenus perdants et les perdants, donc lorsque la perte est due à l'annulation des actes, ceci montre que c'est du kufr. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Et celui donc, qui apostasie parmi vous de sa religion, فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرْ Et qui meurt en étant mécréant, فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَلُهُمْ Alors ceux-là ont leurs œuvres qui sont annulées, فِي الدُّنْيَا وَالْأَخِرَا Dans ce bas monde et dans l'autre. Quatrième point par lequel on tire la mécréance de cet acte-là, مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ Allah dit, oh vous qui avez cru, celui qui parmi vous apostasie de sa religion. Donc ceci montre que ce qui a été cité auparavant, ce verset n'est pas venu comme ça. Ce n'est pas une sourate, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Ya ayyuha alladhina amanu, man yartadda minkum. Non, le contexte qui est pris auparavant doit être pris en compte. Et c'est sûr et certain que ce verset-là est en lien avec et que les gens interpellés ici sont les gens qui étaient interpellés auparavant. Donc on va lire les paroles de Ahl al-Ilm par rapport à cette parole-là. Cheikh al-Islam, rahmatullah alayhi, dans Majmou' al-Fatawa, volume 18, page 310. فإنه ما ارتد عن الإسلام طائفة إلا أتى الله بقوم يحبهم يجاهدون عنه وهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. Il dit, il n'y a pas donc un groupe donc qui apostasie de l'islam sans que Allah subhanahu wa ta'ala apporte un autre groupe que lui aime et qui vont combattre donc pour lui, et ce sont le groupe sauvé jusqu'à la levée de l'heure. يبين ذلك يرحمك الله يبين ذلك أنه ذكر هذا في سياق النهي عن موالاة الكفار. Et ceci est montré par le fait qu'il a cité cela dans l'interdiction, donc dans le contexte de l'interdiction de faire une grande alliance aux kuffar. Donc la ridda, la cité par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quelle ridda? La ridda d'insulter Allah, c'est la ridda de se prosterner devant une statue, c'est la ridda de l'acte contre lequel il a mis en garde auparavant, qui est de faire une grande alliance avec les mécréants. Donc, il a dit, jusqu'à ce qu'il a rapporté donc les versets que nous avons cités avant, il a dit فَالْمُخَاطَبُونَ بِالنَّهِ عَنْ مُوَلَاتِ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَ هُمْ الْمُخَاطَبُونَ بِآيَةِ الْرِدَّةِ Donc, ceux qui ont été interpellés par l'interdiction de prendre comme alliés les juifs et les chrétiens sont ceux qui sont interpellés par le verset de l'apostasie. Cinquième point, مفهوم الحصر. Donc l'exhaustivité, l'exclusivité comprise par le verset إنما وليكم الله. Vos alliés sont seulement Allah et son messager et ceux qui ont cru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a dit que vos alliés sont seulement cela. Donc il est sous-entendu que l'alliance avec autre que ces trois cités est interdite. Sixième point, قوله تعالى ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Donc Allah dit, et celui qui prend comme allié Allah et son messager et les croyants et ceux qui ont cru, le parti d'Allah sont les vainqueurs. Ce sont eux les vainqueurs. Ce que sous-entend ce verset-là, c'est que celui qui prend donc comme allié les kuffars fait partie de Hizb al-Shaytan, car il y a deux Ahzab, il y a deux parties sur la planète, pas 3, 4, 5. Hizbullah, le vrai, pas le Hizbullah connu là, Hizbullah et Hizb al-Shaytan. Le parti d'Allah subhanahu wa ta'ala et le Hizb al-Shaytan. Et Allah dit, Ulaika hizbu shaytan, tel, donc, est le hizb de shaytan, le parti de Satan. Ala inna hizba shaytani humul khasirun, n'est-ce pas, que le parti de shaytan, donc, sont les perdants. Quatrième dalil, Ya ayyuhal ladhina amanu la tattakhidhu alladhina attakhadhu dinakum huzuwan wa la'iban min alladhina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya, wattaqullaha in kuntum mu'minin. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans surat al-Ma'idah, surat al-Ma'idah, ayyuhal ikhwa, c'est une surat de wala wa barad aqida. Wallahi, ayyuhal ikhwa. C'est vraiment une surat qu'il faut lire avec beaucoup de tadabbur. Allah subhanahu wa ta'ala dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas comme alliés ceux qui ont pris votre religion comme sujet de moquerie et de jeu parmi les gens qui ont reçu le livre avant vous et les mécréants وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ Et craignez Allah si vous êtes croyant. Donc ce verset-là montre de même que celui qui prend donc les mécréants comme alliés et les aide apostasie. Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman, donc Cheikh Abdul Latif ibn Abdurrahman Ali Cheikh, rahmatullah alayh, donc dans Durar al-Saniya, volume 8, page 288, dit « Médite sur la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, وَاتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ » Il dit « Médite sur la parole d'Allah et craignez Allah si vous êtes croyant. » فَإِنَّ هَذَا الْحَرْفِ Car cette donc conjonction « وَهُوَ إِن » Donc la conjonction « إِن » que nous on va traduire par « si » est une condition « شَرْطِيَة » تقتدي نفي شرطها إذا انتفى جوابها. Donc cette condition là, si vous êtes croyant, si jamais donc la condition est absente, donc ça veut dire que le conditionné est absent. Si vous êtes croyant, ne prenez pas les juifs et les juifs et les chrétiens, donc ce sont la première catégorie citée, ceux qui ont reçu le livre avant vous, wal kuffar, le mushrikoun et le reste. Donc si jamais vous êtes croyant, ne prenez pas ces gens-là comme alliés. Donc la condition de la foi, si vous êtes croyant, pour qu'il y ait la foi, il faut une condition. Laquelle ? Ne pas prendre ces gens-là comme alliés. S'il y a prise de ces gens-là comme alliés, il y a disparition de la foi. Me faut ? Cinquième dalil, la yattakhidhi al-mu'minun, la yattakhidhi al-mu'minun al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin, wa man yaf'al dhalika falaysa min Allahi fi shay'in illa an tattaqu minhum tuqah wa yuhadhdhirukum Allahu nafsahu wa ila Allahi al-masir. Donc ce verset que nous traduisons par ces paroles, Allah subhanahu wa ta'ala dit: les croyants ne prennent pas les mécréants comme alliés en dehors des croyants. Et celui qui fait ça, eh bien, il n'a rien à voir avec Allah. Il n'a aucun lien avec Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf si vous craignez de leur part, donc du mal, et que vous faites ça par protection, donc de leur mal. Ça, c'est détaillé aussi. On va le voir. Avec le fait de garder, donc, al-kufr bit-tarut dans le cœur, bourd al-kafara, la haine du kufr et des mécréants. Et l'acte ici, parce qu'il est conditionné par l'ikrah, il y a la dérogation. Donc, soit de montrer de l'amour par la langue, ou par les actes, jusqu'à ce que ce ikrah s'en aille. À ce moment-là, il faut revenir au asl, qui est donc le bourde intérieur et extérieur, et l'interdiction de la mu'alat. Donc le délil montrant la mécréance de ces gens-là dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ Il n'a aucun lien avec Allah. Ibn Jarir rahmatullah alayhi dit وَمَعْنَ ذَلِكَ Et le sens de ceci لَا تَتَّخِذُوا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارَ ظُهُورًا وَأَنصَارًا وَتُوَالُونَهُمْ عَلَى دِينِهِمْ Donc ne prenez pas, ô vous les croyants, les mécréants, donc comme assistants et comme personnes donc à qui vous voulez donner la victoire, en faisant des alliances avec eux dans leur religion. وَتُظَاهِرُونَهُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ Et vous les aidez contre les musulmans en dehors donc des croyants. Vous ne prenez pas les croyants comme alliés et vous les aidez, vous vous mettez en alliance contre eux pour leur donner la victoire contre les musulmans, qu'Allah nous protège. وَتَدُلُّونَهُمْ عَلَى عَوَرَاتِهِمْ Et vous leur montrez donc l'espace privé des musulmans. Vous dévoilez les secrets, hein, vous faites de l'espionnage, etc. فَإِنَّهُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ Celui qui fait cela n'a aucun lien avec Allah. يَعْنِ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ C'est-à-dire qu'il s'est désavoué d'Allah. وَبَرِئَ اللَّهُ مِنْهِ Et Allah s'est désavoué de lui. بِرْتِدَادِهِ عَنْ دِينِهِ وَدُخُولِهِ فِي الْكُفْرِ Par son apostasie de sa religion et son entrée dans la mécréance. إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاهُ Sauf si vous craignez. Donc, un mal de leur part, un mal, comme nous avons dit, un mal conséquent qui permet la dérogation de idhar al-mu'alat, de extérioriser la mu'alat. Mais à la base, il n'y a pas d'ikra. Donc l'ikra, c'est une dérogation. Illa an takunu fi sultanihim, sauf si vous êtes sous leur donc domination. Ça, c'est la première chose. Donc quelqu'un qui a son pays, qui est tout seul avec son armée de manière indépendante, il n'est pas sous le sultan de ces gens-là. Donc sauf si vous êtes sous leur gouvernance, فَتَخَافُوهُمْ عَلَى أَنفُسِكُمْ Et vous avez peur donc pour votre vie, فَتُظْهِرُوا لَهُمْ أَلْوَلَايَتَ بألسنتكم, vous montrez alors de l'amour avec vos langues, وتضمروا لهم العداوة, et vous intériorisez l'animosité donc envers ces gens-là. ولا تشيعوهم على ما هم عليه من الكفر, mais sans les suivre dans leur mécréance, ولا تعينوهم على مسلمين بفعل, et vous ne les aidez pas contre un musulman par l'acte. Donc j'avais d'autres délils, mais je raccourcis un délil qui est important, qui se trouve dans surat Al-Ma'idah, toujours, verset 80-81. Allah subhanahu wa ta'ala dit, « لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَ بْنِ مَرْيَمْ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَن مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ تَرَى كَثِيرًا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ. Un grand verset sur lequel, inshallah, il faut beaucoup méditer. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de son verset, j'essaie, inshallah, d'apporter un sens. Donc, les mécréants parmi les fils d'Israël ont été maudits par la langue de Daoud et de Isa, fils de Maryam, alayhim as-salam. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا, ceci par leur désobéissance, وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, et ils outrepassaient donc les lois, les limites, ils outrepassaient les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, بِمَا عَصَوْا, n'importe quelle désobéissance, ils ont été maudits par n'importe quelle désobéissance, et par n'importe quelle limite outrepassée, non, on va voir pourquoi. كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَمْ مُنْكَرٍ فَعَلُوا. Donc, ils ne s'interdisaient pas mutuellement un mal qu'ils faisaient. Comme le prophète, alayhi salatu wasalam, a montré dans le hadith, il dit, la diminution et le manque est entré sur les savants de Bani Israël, lorsque l'un d'entre eux rencontrait, donc, son frère, et le voyait en train de faire un péché. Et lui disait, ittaqillah, inna hadha la yahillu lak. Crains Allah, ceci ne t'est pas permis, ne t'est pas licite. Et il partait, et le lendemain, il rencontrait cette personne-là sur le même péché. Et ceci ne lui interdisait pas, ne l'empêchait pas de s'asseoir et manger avec lui. Et lorsque Allah vit cela, Allah a frappé les cœurs des uns, des autres, et les a maudits. Donc il ne s'interdisait pas le mal mutuellement. Mais nous, ce que l'on va voir, c'est ce qui arrive dans le verset ensuite. Allah subhanahu wa ta'ala dit, تَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. Tu vois beaucoup d'entre eux prendre pour alliés les mécréants. لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ. Quelle mauvaise chose que leur a donc fait faire leur âme. أَنْ سَخِطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. Allah s'est mis en colère contre eux. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. Et ils sont éternellement dans le châtiment. Donc c'est du kufr ou pas. وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ. Ils sont dans le châtiment éternellement. وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ. Ça c'est important, ça c'est un des versets te montrant la qaïda de l'interdépendance du telazum que nous citons. Et s'ils croyaient à Allah et au prophète et à ce qui a été descendu sur lui, مَا اتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَا, ils ne les auraient pas pris comme alliés. وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ. La plupart d'entre eux sont des pervers. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit que si jamais ils croyaient en Allah et aux messagers, à ceux qui étaient descendus sur eux, ils ne les auraient pas pris comme alliés. Donc celui qui les prend dans une grande alliance ne croit pas en et au prophète et à ce qui a été descendu sur le prophète. Donc trois points montrent la mécréance donc de celui qui a pris en grande alliance les mécréants. Le premier, c'est que cette qualité-là est une des qualités de ceux qui ont été maudits. Est une des qualités de ceux qui ont été maudits et qui sont des mécréants parmi les fils d'Israël. Et qui ont été maudits donc par Daoud et Isa ibn Maryam. Deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خَالِدُونَ » et ils sont éternellement donc dans le châtiment. Et ceci est une qualité du châtiment du mécréant et non pas du musulman, car le musulman, même s'il est châtié, il sort, il sortira un moment ou un autre de l'enfer. الشيخ سليمان بن عبد الله دي دان دورار فوليوم 8 باج 128 فذكر تعالى ان موالاه الكفار موجبه لسخط الله والخلود في النار بمجردها وان كان الانسان خائفا الا المكره بشرطه. Donc Cheikh Sulayman dit une parole qui est importante. Cheikh Sulayman هذا من عظماء ائمه الدعوه, c'est un des grands de la da'wa najdiya rahmatullah alayh. Il dit donc Allah subhanahu wa ta'ala a cité que l'alliance aux mécréants donc implique la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'éternité dans le feu. Et il dit bimujarradiha, de manière dépendante, à elle seule. Donc on ne regarde pas le mu'taqad, même si cette chose-là est en interdépendance avec le mu'taqad. Celui qui dit moi j'aime Allah, le prophète, j'ai un amour immense pour les croyants, pour le tawhid, pour que le tawhid soit le dominant sur la planète et que les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala soient dominantes sur les lois du kufr. Mais excusez-moi, je dois aller avec les mécréants pour les aider contre vous. On ne croit pas nous à ça. Et son acte en lui-même montre que dans son intérieur, il est menteur. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala a cité que la grande alliance donc avec les mécréants donc implique obligatoirement la colère d'Allah et l'éternité dans le feu de manière indépendante. Wa in kana al-insanu khaifan, même si la personne a peur, même si par peur il fait ceci, hadhihi ridda, c'est une apostasie. Illa al-mukrahidi, sauf celui qui donc est vraiment dans la contrainte, donc une contrainte qui est vraiment réalisée. Il dit bi shartihi, donc avec sa condition, c'est-à-dire yudmirul bourd wal adawa, qu'à l'intérieur il garde la haine et l'adawa, l'animosité. On s'arrête là par rapport au délil du Coran. On va lire certaines paroles inshallah des savants. Donc on va d'abord donner des preuves des quatre madhhab. Parmi les savants hanafi, il y a donc Cheikh Abdullah ibn Ahmed Abu al-Barakat al-Nasfi, c'est un grand mufassir rahmatullah alayh, qui est mort en 710 de l'égir. Il a dit dans son tafsir, dans le verset ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan-nasara awliya, donc dans son tafsir de sourate al-Maïda, dans le verset oh vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens comme alliés, il a dit ay la tattakhidhuhum awliya, c'est-à-dire ne les prenez pas comme alliés, tansurunahum, donc vous les assistez, wa tastansirunahum, et vous demandez leur assistance, et vous le prenez comme frère, et vous comportez avec amour avec eux comme on doit le faire avec les croyants. Puis il a donné la cause de l'interdiction. Allah a donné la cause de cette interdiction qui est ba'duhum awliya u ba'd, car ils sont les alliés les uns des autres. Et ils sont tous, ça c'est une règle, prends le même, le gentil, le celui qui va en Palestine, qui va donner des sacs de riz, tout, c'est un ennemi d'Allah et du prophète. Et c'est quand tu vas voir ça, quand tu vas dire au sujoud l'irrahman, prosterne-toi devant le tout miséricordieux. À ce moment-là, non. Cette animosité émerge, et ce kufr, et ce bourde l'illahi azzawajal. Donc il dit, puis il a montré la cause, donc de ça, de cela, donc de les prendre en grande alliance, comme quoi c'est du kufr, en disant ba'duhum awliya u ba'd, car ils sont les alliés les uns des autres. Wa kulluhum a'da'ul mu'minin, et tous ils sont donc ennemis des croyants. Wa fihi dalilun ala an al-kufra kulluhu millatun wahida, et il y a ici une preuve que la mécréance, que tous les mécréants, toute la mécréance est qu'une seule religion. Il dit, Cheikh al-Nasfi toujours, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, et celui qui les prend comme alliés parmi vous, il fait partie d'eux, قَالَ مِنْ جُمْلَتِهِمْ, il fait partie donc de ce grand groupe des mécréants, وَحُكْمُهُ حُكْمُهُمْ, et son statut, le statut de celui qui les prend en alliance, est leur statut, c'est-à-dire le kufr. Al-Qadi Muhammad ibn Ahmed Abu Sa'oud Al-Imadi, qui est mort en 951, qui est un des savants aussi du Madhab Hanafi, a dit, donc dans ce tafsir, dans la parole d'Allah, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ, et celui qui les prend comme alliés parmi vous fait partie d'eux. Il dit حُكْمٌ مُسْتَنْتَجْ hukmun mustantajun minh, il dit une règle qui est tirée de celle-ci, donc de la parole ba'duhum awliya'u ba'd. Il dit parce que Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'ils sont les alliés les uns des autres, donc celui qui les prend comme alliés, il fait partie d'eux. Il dit fa'in inhisar al-muwalati fi ma baynahum. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait restreint l'alliance entre les kuffars, entre eux. Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ait restreint l'alliance aux kuffars entre eux, il a dit yastad'i kawn man yuwalihim minhum daruratan. Ceci implique obligatoirement que celui qui les prend comme alliés fait partie d'eux. On rentre dans les savants du Madhhab Maliki. Donc, dans Kitab al-Qada, de l'imam al-Barzali, rahimahullah, il est rapporté que Amir al-Muslimin, Yusuf ibn Tashafin, al-Matuni, rahimahullah, le commandant des croyants, Yusuf ibn Tashafin, qui était un des donc émirs du Maghreb, rahmatullah alayh, istafta ulama azamanihi, wa hum min al-Malikiyya. Il a demandé un avis juridique aux savants malikites de son époque. Il a demandé un avis par rapport au fait que Ibn Abbad al-Andalusi, qui était donc le gouverneur de Ishbiliya, qui était le gouverneur de Séville, et ça c'est après que l'empire des Omeyyades soit tombé. Après il y a eu ce qu'on appelle At-Tawaif. Grenade, Gharnata était un royaume, Séville était un royaume, il y avait plusieurs Séville, l'Andalousie n'était plus un seul et même califat. Il y avait plusieurs califats. Et le calife donc de Séville a écrit aux francs, ici, d'Europe, et il leur a demandé de les aider contre les musulmans. Et donc, le commandant des croyants Yusuf ibn Tashafin a demandé la fatwa aux savants de son pays concernant cette personne, et ils ont statué de sa ridda et de son kufr. Et ceci s'est passé en 480 de l'Hégire. Et ceci aussi s'est reproduit en 984. Lorsque Mohammed ibn Abdullah al-Sa'di, qui était donc le gouverneur de Marrakech, et il a demandé donc aide au roi du Portugal contre son oncle paternel, Abi Murwan al-Mu'tasim Billah. Et les savants malikites de l'époque ont aussi statué de son kufr et de sa ridda. Parmi les savants du Madhhab Shafi'i, Hafid ibn Hajar, connu, donc celui qui a écrit Fath al-Bari, rahmatullah alayh, qui est mort en 852, donc dans son Fath volume 13, dans le charh du hadith d'Ibn Omar radiyallahu anhuma, إذا أنزل الله بقوم عذابا, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala descend un châtiment sur un peuple, أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. Le châtiment donc atteint tout le monde dans ce peuple là puis les gens sont ressuscités en fonction de leurs actes. Qu'est-ce que dit le Hafid ibn Hajar là-dedans? Il استفاد من هذا مشروعية الهرب من الكفار ومن الظلمة. Et on tire donc de ce hadith qu'il est légiféré de s'enfuir des mécréants et des injustes. Pourquoi? Parce que lorsque le châtiment descend, il frappe tout le monde. Et puis ensuite, si tu ne faisais pas partie des gens qui étaient avec eux dans le cœur et les actes, bi'idhnillah, inshallah, tu seras excusé. لأن الإقامة معهم من إلقاء النفس إلى التهلكة. Car vivre parmi eux, ceci fait partie donc du fait de se jeter à la catastrophe, de jeter sa propre personne dans la destruction. هذا إذا لم يعينهم. Ceci s'il ne les aide pas. Donc l'iqama parmi les kuffars n'est pas du kuffr mutlaq, non. Donc il dit que l'on tire de là le fait qu'il est légiféré donc de s'enfuir des mécréants et des injustes. Car vivre auprès d'eux fait partie de se jeter dans la catastrophe. Il dit ceci si jamais il ne les aide pas وَلَمْ يَرْضَ بِأَفْعَالِهِمْ, et qu'il n'agrée pas leurs actes. فَإِنْ أَعَانَ أَوْ رَضِيَ فَهُوَ مِنْهُمْ. فَإِنْ أَعَانَ, si jamais il aide, أَوْ, ou bien, c'est pas « et ». Donc soit l'un soit l'autre. L'un suffit pour le kufr. فَإِنْ أَعَانَ, s'il aide, أَوْ رَضِيَ, il agrée, فَهُوَ مِنْهُمْ, il fait partie d'eux. Parmi les savants du Madhhab Hanbali, donc on a beaucoup de fatwas. Parmi celles-ci, la fatwa de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullah alayh. Donc lorsque des gens ont rejoint l'armée des Tatars, donc ils entraient en guerre contre les musulmans, qu'est-ce qu'a dit Cheikh Ibn Taymiyyah rahmatullah alayh? Il a dit kullu man qafaza ilayhim, yani ila Tatar, kullu man qafaza ilayhim, toute personne qui les rejoint, Min umara il askar, parmi les commandants donc de l'armée. Quelqu'un de l'armée musulmane qui rejoint les Tatars, que ce soit parmi les commandants. Wa ghayr il umara, ou bien quelqu'un d'autre qui n'est pas commandant. Fa hukmuhu hukmuhum, son statut et leur statut. Donc le manat, chez Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, la cause du takfir, elle est où? Dans le cœur? Rejoindre. Tu rejoins leur rang? Kafarta billah. Tu as apostasié. Donc il dit, si jamais les salafs ont appelé ceux qui n'ont pas voulu donner la zakat murtaddin, apostat, ma'akawnihim yasoumoun, avec le fait qu'ils jeûnent, wa yusalloun, et ils priaient, wa lam yakunu yuqatiloun à jama'at al-muslimin, et qu'ils ne combattaient pas jama'at al-muslimin. Il a dit, فَكَيْفَ بِمَنْ صَارَ مَعَ أَعْدَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ قَاتِلٌ لِلْمُسْلِمِينَ. Il a dit, comment alors de celui qui est avec les ennemis d'Allah et du prophète en combattant contre les musulmans? Donc, et parmi les savants, donc, Inch'Allah, on finit bientôt, bi'idhnillah. Et là, on va rapporter des savants, les paroles d'un savant que, subhanallah, j'aime un amour spécifique, qui est Ahmed Shakir, rahmatullahi alayhi, le dernier des plus grands muhaddith d'Égypte, qui est un savant qui est mort il y a un peu plus d'un demi-siècle, qui était un savant, subhanallah, qui a vécu pendant l'époque de la colonisation. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle Kalimatu Haq, ou Kalimatu al-Haq, la parole de vérité. Et donc, il parle, là, de la colonisation britannique et française des pays musulmans. Et il dit, rahmatullahi alayhi, il dit, amma ta'awunu ma'al injlis. Quant au fait de céder avec les Anglais. Donc là, il parle de la colonisation anglaise en Égypte, et il parle aussi de la colonisation après française, donc des pays du Maghreb, etc. Il dit, quant au fait de s'entraider avec les Anglais, بأي نوع من أنواع التعاون, avec quelque type que ce soit, quelque genre, donc, d'entraide, قل أو كثر, qu'il soit peu, ou bien beaucoup, فهو الردة الجامحة والكفر الصراح. C'est donc, il dit, l'apostasie passionnelle, claire, et el kufru sarah, et la mécréance évidente. Bon, les paroles sont longues, moi j'en prends que quelques-unes. Après, il a dit, ala fal ya'lam kullu muslimin fi ayyi buq'atin min biqa'il ard. Il a dit que sache tout musulman dans quelque endroit qu'il se trouve de la planète. Annahu idha ta'awana ma'a a'da'i al-islam musta'bid al-muslimin, que celui, si jamais il s'entraide avec les ennemis de l'islam qui prennent comme esclaves les musulmans, min al-injlis wal faransiyin, parmi les anglais et les français, wa ahlafihim wa ashbahihim, et ceux qui sont en contrat avec eux et qui leur ressemblent, bi ayyi naw'in min anwa'i at-ta'awun, par quelque type que ce soit d'entraide, ou salamahum, ou même qui se met en état de paix avec eux. Il dit, ou salamahum, falam yuharibhum bima istata. Donc il fait un contrat de paix avec eux et ne les combat pas par ces possibilités. Fadlan an an yansurahum bil qawl. Il dit, alors sans parler de celui qui les assiste par la parole, ou il amal, ou bien par l'acte, ala ikhwanihim fi ddin, contre ses frères en religion. Innahu in fa'ala shay'an min dhalika thumma salla. فَصَلَاتُهُ بَاطِلَ. Il dit, si jamais il fait ceci, il les assiste par la parole ou bien par l'acte, puis il prie, فَصَلَاتُهُ بَاطِلَ, sa prière est annulée. أَوْ تَطَهَّرَ بِوُضُو, ou bien qu'il fait ses ablutions. أَوْ اِغْتَسَلَ أَوْ تَيَمَّمْ, ou bien qu'il fait ses grandes ablutions, ou bien le tayammum. فَطُهُورُهُ بَاطِلَ, il dit, sa purification est annulée. أَوْ صَامَ فَرْدًا, ou bien qu'il fait un jeûne obligatoire. Ou neflen, ou bien surérogatoire, ou bien surérogatoire, fa sawmuhu batil, son jeûne est annulé. Ou hajja, fa hajjuhu batil, ou bien il fait le pèlerinage, son hajj est batil. Wallah, on a besoin de savants comme ça. Ça, c'est les poumons de la Ummah, ça. La Ummah, elle respire par des gens comme ça. Donc, il fait le pèlerinage, son pèlerinage est batil. Ou adda zakatan mafruda. Ou bien, il donne la zakat obligatoire. Ou akhraja sadaqatan tatawwu'an. Ou bien, il donne une aumône surérogatoire. Fa zakatuhu batilatun mardudatun alayh. Sa zakat est annulée et elle est réfutée, repoussée contre lui. Ou ta'abbada li rabbihi bi ayyi 'ibadatin. Ou bien qu'il adore Allah par quelque ibada que ce soit. Fa 'ibadatuhu batila. Sa ibada est batila mardudatun alayh. Elle est réfutée contre lui, repoussée contre lui. Laysa lahu fi shay'in min dhalika ajr. Il n'a aucune récompense dans tout ça. Bal 'alayhi fihi al-ithm wal-wizr. Il a même au contraire le péché là-dedans. Et Cheikh Ibn Baz dit, rahmatullahi alayh, Dans son majmou' fatawa, Ibn Baz dit dans son recueil de fatawa, volume 1, page 274, concernant le statut de ceux qui aident les communistes, donc contre les musulmans. Il dit « Wa kullu man sa'adahum ala dalalihim wa hassana ma yad'una ilayh » et tous ceux qui les aident donc dans leur égarement et qui donc dit que ce à quoi ils appellent c'est bien. « Wa dhamma du'at al-islam » et qui fait le reproche des prêcheurs à l'islam. « Wa lamizahum aw lamazahum fahuwa kafir » et qui il fait des critiques, des sous-entendus, des moqueries comme ça concernant ces gens-là de l'islam, c'est un mécréant. Dalun égaré. Hukmuhu hukmu ta'ifati allati sara fi rukbaniha wa ayyadaha fi talabiha. Et son statut est le statut du groupe dans lequel hukmuhu hukmu ta'ifati allati sara fi rikabiha wa aydaha fi talabiha. Et son statut est le statut du groupe dans lequel il est rentré. Donc il est rentré parmi ces gens-là. وَأَيَّدَهَا فِي طَلَبِهَا et il les aide donc dans leur demande, dans ce qu'ils veulent, c'est-à-dire éteindre la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَقَدْ أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْإِسْلَامِ il rapporte un ijma' qu'on avait dit tout à l'heure, on avait cité au début du dars, et les savants de l'islam donc sont unanimement en accord أَنَّ مِنْ ظَهَرَ الْكُفَارِ que celui qui aide les mécréants عَلَى الْمُسْلِمِينَ contre les musulmans وَسَاعَدَهُمْ et qu'il les aide بِأَيِّ نَوْعٍ مِنَ الْمُسَاعَدَةِ et qui les aide avec quelque type que ce soit d'aide, fahuwa kafirun mithluhum, c'est un mécréant comme eux. Et là, je rapporte quelques fatwas bi'idhnillah azawajal des a'imma de la da'wa najdiya concernant des choses qui ont eu lieu à leur époque. Al-Sheikh Hamd ibn Atiq, rahimahullah, donc mort en 1301, lui, dans Durar, il dit, dans le volume 9, page 263, il dit, inna mudaharat al-mushrikin, donc le fait d'aider les mushrikin. ودلالتهم على عورات المسلمين et le fait de leur montrer donc les musulmans où est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils font, etc. أو الذب عنهم بلسان ou bien les assister par la langue أو رضي بما هم عليه tout ça c'est des أو, c'est pas des wa. أو ça veut dire ou bien insuffit pour qui est kufr ou bien agré ce sur quoi ils sont كل هذه مكفرات tout ceci sont des actes annulatoires فمن صدرت منه min ghayr al-ikrah al-madhkur si jamais quelque chose donc provient d'un musulman donc si une de ces choses là provient de quelqu'un sans qu'il soit donc mukrah sans qu'il soit contraint fa huwa murtad c'est quelqu'un qui est murtad apostat et il rajoute pour fermer la porte au murji'ah wa in kana ma'a dhalika yubghid al-kuffar et même si avec ceci il déteste les kuffar wa yuhibbu al-muslimin et il aime les musulmans donc Cheikh Mohamed Abdel Wahhab Rahmatullah alayhi a dit anna man ata'a ar-rasula celui qui obéit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam wa wahhada Allah et qui donc a réalisé le tawhid d'Allah la yajuzu lah il est interdit pour lui mawalat man hada Allah wa rasula il est interdit pour lui donc de prendre comme allié man hada Allah al-muhadah c'est le mushaqqa donc c'est faire une différence une cassure, mettre un espace entre toi et quelqu'un. Donc ceux qui se sont séparés d'Allah et du messager, il dit, il est interdit donc de les prendre comme alliés. وَلَوْ كَانَ أَقْرَبَ قَرِيبٍ même si c'est le plus proche parent. Pourquoi le shaykh dit ça? Parce que lorsqu'il y a justement confrontation avec, si elle existe, la mahabba tabi'iyya, lorsqu'il y a confrontation avec entre la mahabba tabi'iyya et la mahabba donc, fillahi azza wa jal, ici parfois, il y a la mahabba donc religieuse en Allah qui peut être effritée. Et la personne peut être amenée à aimer peut-être son père ou sa mère qui est chrétien ou juif, laïque, démocrate ou autre, qui est mécréant ou qui est darwiniste ou je ne sais quoi, qui a une idéologie qui va à l'encontre donc de l'islam et qui ne peut pas être compatible avec cela, à ce moment-là, il va peut-être l'aimer. Donc même pour ce sur quoi il est. Et cet amour-là, tabi'i, va prendre le dessus. Va prendre le dessus. Donc c'est pour ça qu'il a cité « Walau kana aqraba qarib ». Il dit « Waddalilu qawluhu ta'ala » et la preuve, c'est le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala « La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir » Tu ne trouveras pas. de peuples croyant à Allah et au jour dernier. Qu'est-ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala? Il n'a pas interdit ici par un nahi. Il n'a pas dit, oh vous qui avez cru, ne prenez pas. Alors qu'il l'a fait dans d'autres versets. Ici, il a dit, la tajidu qawman, tu ne trouveras pas. Donc Allah a décrété l'absence de personnes croyant à Allah et au prophète, croyant à Allah et au jour dernier, aimant ceux donc qui se sont séparés d'Allah et de son messager, donc des mécréants. Donc existe-t-il quelqu'un qui fait la mu'alat al-kubra wa yu'minu billahi wal yawm al-akhir? Al-iman bima'na at-tasdiq, oui, c'est possible, il croit comme Iblis en Allah subhanahu wa ta'ala et il croit au jour du jugement dernier. Iblis croit à Allah, un iman, donc l'orawi, ou un iman shar'i. Il croit dans le iman linguistique. Il n'a pas le shak, Iblis. Je crois que Allah n'existe pas. Iblis, il a ça. Il croit à 100% à Allah subhanahu wa ta'ala. Et est-ce qu'il a un doute sur Yawm al-Qiyam? Donc là, Allah il dit, tu ne trouveras pas quelqu'un qui croit à Allah et au jour du jugement dernier, et au jour dernier, prenant comme alliés les gens qui se sont séparés d'Allah et le prophète. Shaitan a-t-il pris donc ces gens-là en alliés? Et eux ont-ils pris ces gens-là en alliés, les mécréants? Oui. Shaitan croit-il en Allah? Il faut détailler. Oui, quoi? La croyance linguistique. Voilà, il croit la croyance intérieure, là, qu'on avait dit tabi'iyya, naturelle, linguistique. Mais l'iman ou shar'i, là, Iblis? Non. Il croit à l'yawm al-akhir, le iman shar'i? Non. Le iman qu'on avait dit, donc fitri, le iman lorawi. Yusaddiq bil yawm al-akhir. Il croit en ça. Il ne dit pas, il n'y a pas yawm al-akhir. D'ailleurs, il a dit, wa anzirni ila yawmi yub'athun. Donne-moi, donc, un laps de temps jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Mais il n'a pas l'iman shar'i à Allah et l'iman shar'i à l'yawm al-akhir. Donc Allah ici quand il dit la tajidu qawman, tu ne trouveras pas des gens qui croient à Allah et au jour dernier, c'est un iman shar'i muhim hada. Yuwaddun man hadda Allah wa rasulahu. Donc qui aime. Et donc l'amour, c'est une traduction de mu'alat al-kubra. C'est une expression de al-mu'alat al-kubra qui aime donc man hadda Allah, ceux qui se sont séparés d'Allah et de son messager, walaw kanu aba'ahum, même si ce sont leurs pères. Donc au début Allah subhanahu wa ta'ala cite la généralité, tous ceux qui se sont séparés d'Allah et du prophète, se sont désavoués d'Allah et de son prophète, donc les mécréants, tu ne trouveras pas des vrais croyants donc faisant preuve d'amour à ceux-là. Ensuite, il va citer des unités plus spécifiques, c'est là où souvent il y a justement le khalal et que certaines personnes donc ne font pas preuve d'un vrai iman. Walaw kanu aba'ahum, même si c'est leur père, aw abna'ahum ou bien leurs enfants, aw ikhwanahum ou bien leurs frères, aw ashiratahum ou bien leur famille, ulaik. Donc ces gens-là, ces différentes catégories-là, c'est là souvent qu'il y a conflit entre al-hubb fillah et al-hubb tabi'i, et que les gens souvent vont être amenés à aimer ces personnes pour leur idéologie, leur religion. Et nous avons vu que ceci est du kufr et une ridda an dinillahi azza wa jal. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a cité ces unités-là, ces choses-là, parce qu'il y a danger à ce moment-là. Et les sahaba radiyallahu anhum, quand on observe leur vie, subhanallah, ils ont fait preuve de mawaqif. Dans les batailles, que ce soit à Badr ou ailleurs, ils avaient des gens de leur famille de l'autre côté, et ceci ne les a pas empêchés, subhanallah, de, s'ils avaient eu l'occasion, de les tuer. Certains ont même tué leurs proches. Certains ont tué leurs proches à la bataille de Badr, et d'autres n'auraient pas eu d'état d'âme si jamais ils en avaient eu l'occasion. Ceci pourquoi? Parce que le hubbu fillah, et vouloir que le tawhid prédomine, était quelque chose qui était prioritaire sur l'amour fondé sur le lien de la parenté. Allah dit ulaika kataba fi qulubihimul iman, tels sont ceux à qui Allah a écrit dans leur cœur al-iman al-haqiqi, la véritable foi. Wa ayyadahum bi ruhin min, et il les a aidés bi ruhin min, là il y a plusieurs tafsirs dont Jibril ou autres والله أعلم ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار et il les fera pénétrer dans des jardins sous lesquels coulent des rivières خالدين فيها éternellement ils seront là-bas رضي الله عنهم Allah les a agréés ورضوا عنه et ils l'ont agréé أولئك حزب الله tel est le parti d'Allah n'est-ce pas que le parti d'Allah sont les vainqueurs Sourate Al-Mujadila. Donc voilà, c'était quelques paroles concernant Al-Mu'alat. On se rappelle donc que Al-Mu'alat se divise en Mu'alat Kubra qui sort de l'islam. Donc l'amour, l'assistance des mécréants, que ce soit par la langue, par la parole, elle est de différentes catégories. La Mu'alat Kubra, elle a plusieurs expressions. Mais la plus expression qu'on a le plus étudiée là, c'est le fait de... C'est Mudaharat Al-Mushrikin Al-Mu'minin. Donc faire des efforts pour donner la victoire aux mécréants sur les musulmans. On a dit qu'il y avait d'autres catégories, comme celui qui ne les kafare pas, celui qui dit que leur idéologie est authentique ou autre. Donc nous avions cité les paroles de Sheikh Ali al-Khudair, hafidhahullah, wa fakallahu asra. Et ensuite, on a dit il y a al-mu'alat al-sughra, la petite alliance, qui a plusieurs définitions elle aussi. On a dit commencer le salam, leur donner des places privilégiés dans les assises, leur donner des postes politiques, avec comme condition, bien sûr, de garder à l'intérieur al-adaw ou al-bourd, l'animosité et la haine. Et ensuite, on a la mu'amala ja'iza, donc la relation qui est permise, qui est ja'iza dans le sens où elle n'est pas interdite, mais elle peut être obligatoire, comme silatul rahim avec des proches mécréants. Hein, le birr aussi. Bien se comporter avec sa mère, son père qui sont mécréants. Hada wajib. Hada min al wajibat. Est-ce que ça rentre dans le mu'alat? Non. Tant qu'il n'y a pas un amour religieux pour l'idéologie, la religion qu'adoptent ces gens-là. Wallahu a'lam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.